le patrouilleur du net. Voici DominiqueArpin.ca. Le jeu de fiction interactif 33 clés passionne de plus en plus les internautes depuis la semaine dernière. Le personnage de Xyra nous en a appris un peu plus sur les raisons de son voyage dans le temps. Dans une vidéo récente mise en ligne sur le net, elle parle du Big Brother qui opprime la population dans le futur. La croix verte, c'est le gouvernement totalitaire qui règne en 2333. Allez voir sur le site, vous allez être convaincus. On peut retrouver le site à l'adresse www.croixverte.ca. La mission du mouvement y est expliquée en détail. Il y a même un numéro de téléphone. Lorsqu'on le compose, un message enregistré nous apprend qu'un rassemblement aura lieu le 18 mai prochain dans un endroit qui reste à confirmer. Voici comment le message se conclut. Soyez bien, soyez verts et soyons unis. Intriguant. Si on se fie aux échanges dans les blogs, sur Facebook et sur Twitter, ils sont nombreux à avoir plongé dans le jeu interactif 33 clés. On retrouve trois types de joueurs. Le passif, qui se contente de suivre l'histoire. L'actif, qui participe au jeu et accomplit les missions. Et finalement, le passionné, qui devient lui-même un personnage et nourrit la communauté en prenant des photos et des vidéos. À vous de choisir le rôle qui vous convient le mieux en vous rendant sur le site reperio.ca. Nous, on se retrouve lundi prochain, à la même heure, pour la suite de ces aventures.